Chapitre 6e. Quelques mois plus tard, Fréjol passa devant ses juges. Pour sa plaidoirie, l'avocat général s'appuya sur les conclusions du juge. En raison de l'horreur des crimes, aucune circonstance atténuante ne fut retenue, et les jurés de la cour de Carpentras le condamnèrent à avoir la tête tranchée. Il fallait débarrasser la région et la terre entière d'un tel monstre. La veille de son exécution, Fréjol fut transféré de la prison de Carpentras dans celle d'Apt, où il fut amené en pleine nuit pour Pertuis, une nuit d'apocalypse où le vent et la pluie se déchaînaient. En passant à côté de Gou, il demanda à se recueillir à Notre-Dame des Lumières. Il y demanda pardon à Dieu et aux hommes, et exhorta ceux qui l'entouraient à ne jamais se laisser emporter par la colère qui n'apporte que des malheurs. Il reconnaissait que la sentence qui lui avait été appliquée était juste. Depuis l'arrêt de sa condamnation, Fréjol avait témoigné de beaucoup de repentir. Ce 26 mars 1862, après sa dernière toilette dans la prison de Pertuis, Fréjol remercia son geôlier pour les attentions qu'il lui avait témoignées, puis, appuyé au bras de l'aumônier de Carpentras, encadré par les pénitents noirs, sous un ciel bas et venteux, il se dirigea vers la place Mirabeau, où avait été dressé l'échafaud. Arrivé au pied de la guillotine, il en gravit les marches avec calme, sous les quolibets d'une foule dense. Près de 12 000 personnes avaient envahi les rues, les places, les moindres recoins de la ville. Animés pour la plupart d'une curiosité malsaine, certains irresponsables portaient leurs enfants sur leurs épaules pour qu'ils pussent mieux voir l'ignoble spectacle. On vendait du vin, des petits pains, des friandises. Des couplets d'un humour macabre et déplacé circulaient. Accourez, gens des campagnes, des villages et des hameaux, attelez vos tombereaux, faites venir vos compagnes, mais en quittant vos manoirs, n'oubliez pas vos mouchoirs. Fréjol voulut prononcer quelques mots, mais ses dernières forces l'avaient abandonné. Un lugubre silence s'établit enfin. À 8h23, le bourreau de Nîmes, assisté de ses confrères d'Aix et de Grenoble, actionna le couperet qui glissa, suivi d'un long murmure d'effroi. La tête du supplicié, tombant de la plateforme, rebondit sur le pavé au pied des spectateurs épouvantés. Le ridicule de l'amateurisme s'ajouta à l'horreur pour faire de ce moment une totale abomination de la justice des hommes. Les enfants hurlèrent, les femmes pleurèrent, et rares furent ceux qui ne regrettaient pas d'avoir assisté au barbare châtiment d'un homme, fût-il le pire des criminels. Ce fut la dernière fois que la guillotine fonctionna à Pertuis. Ainsi s'achève l'affaire Fréjol, 4e nouvelle, des petits crimes en Provence au XIXe siècle, de Jean d'Arrigues.